Amour et c'est merveilleux, l'amour des dieux. Et c'est merveilleux, amour des dieux. Et c'est merveilleux, oh, quel amour, comment il est. Il est qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Ah, quel amour, comment il est. Il est si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Ah, quel amour! Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et honneur pour l'occasion que tu donnes à nos cœurs ce soir de nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Nous n'aimons pas venir devant toi le cœur coupable. Nous aimons venir devant Dieu avec joie. Et parfois, comment avoir cette joie lorsque nos cœurs nous condamnent? Nous ne pouvons pas nous réjouir quand nous sommes coupables devant le Dieu Saint. Ainsi, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Le culte de ce soir a commencé avec un grand retard. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous pardonner. Chacun de nous qui a contribué à ce que ce retard soit là. Aide-nous à relever ce défi. Que les habitudes mauvaises cessent parmi nous. Qu'un élan de zèle s'empare de chacun de nous. Pour la maison de Dieu et pour la ponctualité. Le respect des heures de culte qui ont été débattus librement ici, qui ont été adoptés librement ici, dans le respect de la parole de Dieu, la voix de la majorité. Mais Seigneur, combien de fois nous sommes faillibles après l'avoir décidé ainsi, nous ne respectons pas l'heure des débuts. Pour le grand nombre. Nous ne venons qu'à toi, Seigneur, pour que tu nous corriges. Nous ne pouvons pas bomber les torses là où c'est clair que nous sommes coupables. Nous venons nous humilier pour que par ta grâce, sans rien obliger, Seigneur, tu nous pardonnes tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui après 17h juste. Les retardataires. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Sois miséricordieux envers nous. Et que le Saint-Esprit puisse revenir. Car nos retards attristent le Saint-Esprit. Pour nous laisser dans une sorte de formalisme. Et que la dynamique de Dieu s'éloigne. Nous ne voulons pas de ce genre de culte. Lourd, froid, tiède et tout. Mais nous avons besoin de Dieu vivant parmi nous. Reviens au Seigneur, reviens à tes disciples qui reconnaissent leurs faiblesses, leurs défauts, leurs culpabilités. Reviens au Dieu miséricordieux. Reviens et communie avec nous ce soir pour que notre temps ne soit pas perdu, mais qu'il soit profitable, chacun pour sa part. Parle à chacun de nous et enseigne-nous tes voies. Guéris nos maladies, tous les maux qui rongent nos corps, tout ce qui dérange nos esprits, Seigneur, tout ce qui attaque nos cœurs, étends ta main là-bas et guéris. Opère la guérison divine. Opère ce miracle, Seigneur, nous y croyons. Au nom de Jésus-Christ. Reste avec chacun de nous, du début à la fin, et qu'en repartant d'ici, la joie soit effective. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible, Deutéronome chapitre 34. Nous y prenons le verset 5 et 6. Oh, ben, il faut bien prendre, c'est le verset 5 à 8. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'entra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Bongo mose mombo na yawe, akufakikuna na mokili na mwaba. Pela moko na monoko na yawe. Mpeye, akundaki ye na luboku na mokili na mwaba. Kotalamaka na bete powele kati. Moto mokote ya yedi esika na kukunda na ye kino lelo oyo. Mose azalaki na mbula mokama na tuku mibale wana ikufaki ye. Permiso na ye ibeba kiti. Penguya na nzoto na ye ipila kiti. Batona iselele balilaki mose na mokili polele na mwaba mikolo tuku misatu. Na sima mikolo na mawa mpe na kolele na mose ikilaki. Apokalipse chapitre 11 verset 3 et 4. Yemoni iseli mokapo ya zomi na moko mulongo ya misatu pe ya nini. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Bango wana bazalinde bilaya mibale pe bitelemelo na mwinda mibale bikotelemaka liboso na kolo na mokili. Nous terminons la première lecture ici dans Zacharie chapitre 4. Tukosilisa kotanga ya liboso awa na Zacharie mokapo ya minei. Il est écrit ceci, verset 11 à 14. Ikomami boye na mulongo azomi na makotino zomi na minei. Je pris la parole et je lui dis: que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis: que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de ces deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit: non, mon Seigneur. Et il dit: ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bongo, la zongi sakili loba, na lobi na ye ete. Mais ete mi bale oya bilaya ezali nini. Oyo etelemi na epayi na mobali na eteleme na mwinda mpe na epayi na mwaki na yango. Na lobaki mbala mi bale, mpe na lobaki na ye ete. Kadjo bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun de nous bienvenue à la table du Seigneur. Et que la grâce de Dieu nous soit mérite de prier. Nous aimons le Seigneur tel qu'il nous a aimés et comme il nous a appris. Nous aimons le Seigneur tous les jours et chaque fois. Nous aimons le Seigneur tout le temps. De nuit tout comme de jour. Alors, ce soir, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu, annonçant la bonne nouvelle du royaume, chemin faisant vers la gloire, l'enlèvement imminent. Nous sommes passagers sur la terre, et par la grâce de Dieu, nous nous étions embarqués dans le cycle de l'enseignement sur la bataille d'Armageddon. Donc, une leçon qui ne pouvait pas être donnée de manière aussi stricte que pure. Parce qu'elle doit comporter forcément des ramifications. C'est un événement prophétique annoncé, mais qui ne peut pas se produire de manière isolée pour que nous venions ici. Juste vous dire, bon, maintenant la bataille d'Armageddon. Bon, ça veut dire la bataille d'Armageddon et puis la bataille d'Armageddon. Non. Donc, c'est dans un ensemble d'événements. Ce qui fait qu'en parlant un peu de ça, on est contraint de toucher un peu à ça, toucher encore à ça, mais les autres points auxquels on touche sont aussi des points d'enseignement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'années que je vous avais enseigné les événements de la 70e semaine de Daniel. Et un tableau avait été présenté ici, au haut de cette chaire, mais nous étions sur Niembo 45. Un tableau avait été présenté représentant ou reprenant les événements avec leurs références bibliques, avec leurs références prophétiques dans la Bible, les différents événements tels qu'ils sont classés dans la période de ces temps-là, appelée la 70e semaine de Daniel. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient parmi vous, si vous avez perdu de vue cela, au moins ça existe sur le site internet du CEMIPAR, le Centre Missionnaire International de la Parole Restaurée. Que vous connaissez bien sûr aussi. Donc, dans les publications pastorales, la page des publications pastorales du site internet www.cemipar.fr.gd. Alors, quand vous entrez dans la page d'accueil, ensuite vous cherchez dans la page des publications pastorales, vous retrouverez ces tableaux-là. Donc, le tableau existe. Et les événements de la 70e semaine, ça a été décrit comme cela. Par la grâce de Dieu. Alors vous verrez que c'était regroupé en trois colonnes, les tableaux en question. Il y a les événements de la première moitié de la 70e semaine. Il y a ensuite les événements du milieu de la semaine et il y a les événements de la seconde ou de la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Mais dans un autre classement, nous avions carrément vu l'abondance des événements du milieu de la 70e semaine de Daniel. Dans un autre classement, on avait considéré juste les événements de la première moitié et les événements de la dernière moitié. Alors ceux du milieu de la 70e semaine étaient étalés à part. Nabongo na itandu mususu lokola tomona kete makambo e kosalamaka kati kati na mposo yango ezali mingi koleka le yango bokomona ete tochaki na itandu mususu gobele makambo ya eteni aliboso na etaini ya mibale na oya kati kati ekyamaki nde na mopanzi na esika na yango. Et si vous relisez ce tableau là, certainement que la guerre d'Armageddon vous la verrez clairement située dans les tableaux. Mais en enseignant sur ça, alors qu'elle-même fait partie de la 70e semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel est un sujet d'enseignement biblique et prophétique. Et en montrant aussi que cette bataille d'Armageddon prends le départ sur terre, prend la présence physique de Jésus-Christ, mais dans sa suite, c'est Jésus-Christ qui vient se mêler à cette guerre. Et c'est lui qui y mettra fin, qui la terminera. Et qui en sortira vainqueur avec nous. Les ressuscités qui reviendront du festin de noces là-haut. Déjà, les différentes venues du Seigneur aussi, c'est un sujet d'enseignement. Imaginez, alors, donc, en parlant de la bataille d'Armageddon, comme on l'avait d'abord le dimanche écoulé, nous voulions parler de comment débutera la bataille d'Armageddon. Mais après scène, on analyse la prédication. Quand j'ai voulu résumer pour les enfants de Dieu, je me suis rendu compte que l'Esprit a plutôt parlé de quand débutera la bataille d'Armageddon. Quand? Et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus à la pensée de comment elle débutera le dimanche dernier. Et alors, le mercredi, j'avais un autre sujet de prédication pour avancer et toujours dans le cadre du salut de nos âmes. Mais nous avons lu des passages bibliques ici pour introduire la prédication. Et si vous l'aurez remarqué, comme moi aussi, après avoir analysé à la fin la prédication, pour résumer la prédication, vous vous rendrez compte qu'aucun de ces passages n'avait été abordé ni exploité. Car la conduite avait changé ici même. Nous nous sommes retrouvés dans la prolongation de la même pensée du dimanche dernier par les commentaires et les passages bibliques, prolongation de la pensée de comment débutera la bataille d'Armageddon. L'insistance a été faite sur ce phénomène-là, surnaturel, du déversement de la sixième coupe de jugement sur le grand fleuve l'Euphrate, qui fera tarir ces eaux-là. Nous avions également insisté pour montrer que nous devons nous ranger du côté de Dieu et non de la science. Car le côté du Seigneur est toujours le meilleur. Et c'est le côté gagnant. Et c'est le côté de la sagesse et de la vraie raison. Les hommes tâtonnent, ils spéculent, mais au final, ils doivent revenir à Dieu. C'est toujours lui qui a raison. Et nous avons montré comment la papauté ira jusqu'aux extrêmes des abominations. Et martyrisera les 144 000. Et nous avons vu en lisant dans les commentaires comment les 144 000 ressusciteront à l'époque de l'établissement des trônes pour le démarrage du règne de 1000 ans. Ils subiront le martyr pendant la guerre d'Armageddon. Tous mourront, il est vrai. Mais ils ressusciteront tous et seront avec nous au règne de 1000 ans. Et en commentant les Écritures, on a bien montré que et ce groupe-là des 144 000 et les saints de la tribulation, c'est-à-dire ceux-là que Dieu ressuscitera également avant le règne des 1000 ans, mais qui constituent le groupe au fait des vierges folles, mais pas des vierges folles traditionnelles, mais ceux qui subiront l'impact du ministère d'Élie, qui est un prophète pour toutes les nations, bien qu'il sera envoyé à Israël, mais l'impact de son ministère atteindra les nations. Oyo na ntina na musala oya Elia na basakolimi bale bakozala na Isalele Elia azala kabobele pona Isalele yemo kote kasi azaka mulimo oyo soki atei ekokipo simba mpe bati na mabota batoe bako simba mawana bakoboma mpe nkolo akosekisa na bango elongo na mukama ya cette foule nombreuse qui est mentionnée dans Apocalypse 7 juste après le scellement des 144 000 Israélites. Il y a une foule nombreuse qui est mentionnée là. Apocalypse 7, à partir du verset 10, là vous descendez. C'est pour nombreuses là. Et que Branham les appelle les saints de la tribulation. Les saints de la période de la tribulation. Ils subiront les martyrs par la même bête qui monte de la mer. Mais avant le règne de 1000 ans, Dieu les ressuscitera et ils seront comptés parmi les ressuscités de la première résurrection. Et la même foule apparaît également, le même peuple, il apparaît dans Apocalypse chapitre 15e, devant la mer de verre, comme du cristal. Donc, après avoir vaincu, ils se tiendront debout devant cette mer de verre et proclameront Jésus roi des nations. Donc, il s'agit de ces saints-là purifiés sous la tribulation, martyrisés par la bête, l'Empire romain, mais que Dieu ressuscitera avant le règne de 1000 ans. Et ils seront comme les serviteurs de l'épouse pendant le règne de 1000 ans. Tandis que les 144 000 qui seront ressuscités là, joueront le rôle des eunuques du temple pendant le règne de 1000 ans. Ils joueront le rôle des eunuques du temple. Voyez, parmi les subites de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, Le dernier but qui est mentionné dans Daniel au chapitre 9, pour lequel les 70 semaines avaient été fixées sur le peuple de Daniel et sur sa ville de Jérusalem, le dernier but était de rendre le saint des saints. Or, dans la prédication les Sibites en question, le prophète William Branham, révélateur de la parole pour notre temps, il montre là que le Saint des Saints, c'est le tabernacle du millénium. C'est le tabernacle qui sera utilisé comme tabernacle pendant le millénium. Il devra être loin, recevoir l'onction avant d'entrer en service. Avant d'être utilisé. Alors dans ce tabernacle-là, il aura besoin des zéniths du temple. Et ces zéniths-là seront les 144 000. Dieu est tellement merveilleux que sa parole ne peut pas faillir. Nous aimons son nom et nous aimons ses merveilles. Nous aimons sa parole tous les jours et jusqu'au bout. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, parce qu'il tiendra parole, certainement il tiendra parole. Il fera ce qu'il a prévu là-bas. Exactement ça. Alors, mais on n'entre pas trop dans ces détails. Sinon, nous n'allons pas encore essayer d'avancer. Ce soir, je voudrais répondre à une question qui avait surgi à la suite de la prédication de mercredi. J'avais reçu au fait trois questions. Deux bien-aimés étaient entrés à la réception pour poser des questions relatives à la prédication. Et par la grâce de Dieu, nous avons répondu à ces deux questions-là en direct. Mais une autre question m'est arrivée par écrit hier. Relative toujours à cela. Et j'aimerais aborder un peu ça. J'estime ainsi que c'est utile pour toute l'Église. Alors la question disait ceci, juste besoin d'un petit éclaircissement. Je voudrais savoir lier ce qui est dit que le Seigneur Dieu s'était occupé lui-même à enterrer Moïse. C'était dit dans la prédication de mercredi aussi. Que Dieu lui-même s'était occupé de enterrer Moïse. Et oui. Et entre-temps, il est dit qu'un ange du Seigneur s'était disputé le corps de Moïse avec Satan. Alors l'on veut savoir le lien maintenant entre les deux. Juste besoin d'une bonne compréhension de ce que cela signifierait. Comment peut-on lier ceci avec le fait que Dieu avait d'abord enterré Moïse? Et à la fin, c'est bon après-midi, mon précieux pasteur. Est-ce que nous avons compris la question de l'un de nous? Parce que si on n'a pas compris la question, nous risquons de perdre les pédales pendant la réponse. Mais si nous avons compris cette question et que nous nous rendons compte que ça nous intéresse, ça nous préoccupe, ça pourrait être aussi utile pour nous, à ce moment, nous deviendrons attentifs à la réponse qui sera donnée. Voilà. Et qui a compris la question? 1, 2, 3, 4, 5, du côté des sœurs. Personne n'a compris la question du côté des sœurs. Personne? Bon côté. Non, il y a un doigt, Voilà la question. L'on veut lier les deux phénomènes. Pour avoir une meilleure compréhension de cela. Parce que la parole ne nous est pas prêchée comme une routine, tournons la page, avançons. Non. Nous devons comprendre les choses qui nous sont prêchées. Car là, dedans, il y a la vie. Et pour nous, c'est la vie éternelle. Nous avons besoin d'une juste compréhension. Et le Seigneur dans Matthieu 19 avait dit, tous ne comprennent pas cette parole. Seul celui à qui cela a été dit. Nous pouvons être nombreux, toute une foule, et ne pas comprendre cette parole. Mais ne peut comprendre que celui à qui la grâce a été donnée de comprendre. Alors la préoccupation de notre bien-aimé, c'est de savoir, mais comment lier les deux? D'un côté, c'est Dieu lui-même qui avait enterré Moïse. Dieu lui-même. Et de l'autre côté, c'est un ange du Seigneur, d'après les écrits de la question, qui s'était disputé le corps de Moïse avec Satan. D'un côté, Satan voulait a pris le corps. De l'autre, c'est Dieu qui a enterré. Bon, comment lier les deux? Et c'est Moïse là, bon. Maintenant, on nous dit il est l'un des témoins. Il est le deuxième témoin d'Apocalypse 11. Entre-temps, son corps a été disputé avec Satan. Bon, entre-temps, il est le témoin. Bon, quelle est la meilleure compréhension de tout ça? Alors, dans Jude, au chapitre 1er, nous allons essayer d'aborder déjà la réponse à cette question et comprendre ce que Moïse, le témoin de Dieu dans l'au-delà. Et ce sera ça notre pensée. Ouais. Une méditation ce soir, Moïse, le témoin de Dieu dans l'au-delà. Il avait témoigné de Dieu ici, et là dans l'au-delà, toujours témoin. Et Dieu l'a gardé comme cela. Sa vie est un témoignage. De ce côté-ci du voile et de l'autre côté du voile. Comme ceci important d'être au service de Dieu, de nous retrouver dans les mains du Seigneur. Il peut faire de nous ce qu'il veut, mais il peut nous honorer aussi durablement. Hier, nous avons même fait une petite méditation en mémoire de Moïse. Pour ceux qui étaient au service d'adoration, et notre pensée a cité Moïse, la pensée de méditation de l'exhortation d'hier, allez, comme Moïse, acceptons l'opprobre de Christ. Moïse avait un conducteur et son conducteur était l'Esprit de Christ. Et il a fait le choix de la conduite du Saint-Esprit depuis qu'il était jeune. Ça, c'est un exemple à suivre. Faisons-le en notre temps. Et lorsque l'Égypte ne sera plus l'Égypte, lorsque toutes les richesses du monde disparaîtront, Moïse sera immortel parmi les hommes. Nous l'avons entendu hier. Nous avons lu notre prophète le dire clairement comme cela hier. Dieu sait honorer ceux qui se confient à lui. Dieu sait honorer ceux qui lui obéissent fidèlement. Mais les jeunes hommes riches là-bas du temps de l'évangile, voyez ce qu'il est devenu, il a fini là dans l'au-delà, dans le lieu des tourments. Pendant qu'il pensait, il espérait être quelque chose ici sur le soleil, mais quand le Seigneur a dit, vends tout ce que tu possèdes, donne les produits à mon opposé et viens chez moi, il s'est achevé. Il avait refusé la conduite du Saint-Esprit. Mais un jour, la mort l'a croisé. Et là, dans l'au-delà, il n'avait rien à être comparé à Moïse. Il est mort et devenu un tourmenté. Criant au secours, chaque secours. Oh. Toutes les richesses de ce monde ne valent rien. Moïse avait compris la vraie chose. Parce que l'opprobre de Christ vaut de l'un mieux que toutes les richesses du monde entier. L'opprobre de Christ vaut mieux que toute la gloire et la popularité du monde. Alors ce soir, Moïse, le témoin de Dieu dans l'au-delà. On peut voir ce petit chemin que son corps a parcouru. Alors j'ai dit, dans l'épître de Judas, au chapitre 1er, au verset 9, il est écrit ceci. Or l'archange Michel, ou qu'on appelle Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le cœur de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Azalaki na molende ko pitisa kaye na maloba na kotuka te kasi aloba kete nkolo a pamela yo. Il est fait mention de l'archange Michael. Alobi na mokolo na mwangi Michael. En accord avec le corps, en rapport avec le corps de Moïse. Na kotala la kande zoto na Mose. Il fait pas de doute que Moïse ait été mort. Moïse était effectivement mort, comme on l'a lu de la Bible, c'est la vérité. Mais à un moment donné, son corps a été disputé entre Satan et l'archange Michel. Mais pourquoi cela ne s'est pas fait avec Josué, avec les autres enfants d'Israël? Mais pourquoi seulement Moïse? Dieu sait honorer ceux qui lui obéissent plus fidèlement. Il est devant Dieu, il y a différents rangs dans lesquels il classe ses enfants et ses serviteurs. Ce Moïse dont la Bible parle n'était pas une créature parachutée du ciel, c'était un homme né d'un père et d'une mère sur cette terre. Son compagnon premier témoin, vous savez, Élie le Tishbite. On ne sait pas trop d'où il était venu. La Bible ne rapporte même pas sa généalogie. Elle ne cite aucun nom d'un quelconque membre de sa famille. On dirait que c'est quelqu'un qui n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. L'on fait mention seulement de lui à partir d'un roi 17. Ça nous dit quelles étaient ses origines biologiques. On le surnomme seulement Élie le Tishbite. Et on commence à décrire les faits ministériels qu'il a accomplis. On ne dit rien de sa jeunesse, où est-ce qu'il l'a passé. On ne dit rien de sa famille, on ne sait pas quelle était. La Bible s'était complètement sur ce personnage. Mais à la fin de son parcours, à la fin de son ministère, on voit Dieu l'enlever au ciel. Et on n'a vu personne regretter. Comme membre de famille, regretter son départ, à part Élisée, qui avait reçu la promesse d'une double portion de son esprit. Nous ne connaissons pas le nom du père d'Élie. Nous ne connaissons pas le nom de la mère d'Élie. La Bible ne le donne pas. Nous ne connaissons même pas l'adresse familiale d'Élie le Tishbi. La Bible ne le donne pas. Même William Branham ne l'a pas donné. Le prophète du temps de la fin. Personne ne savait d'où était Élie. On aurait décrit seulement dans le ministère. Et à la fin de son ministère, on nous décrit son enlèvement au ciel. Miséricorde. D'où était-il? Était-il réellement un humain? Mais la Bible dit dans Jacques chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, nous ne pouvons pas nier l'humanité d'Élie. Il était effectivement un homme. Là, dans 1 Roi 17 au verset 24, même la veuve de Sarepta a pu rendre ce témoignage au sujet d'Élie. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de Dieu dans ta, dans ta bouche est vérité. Amen. Donc, la veuve de Sarepta n'avait pas reçu la visite d'un fantôme. C'était effectivement un être humain qui avait fait à son arrivée et qui a demandé avec insistance le repas. C'était effectivement un humain, Élie le Tishbite. Mais personne ne sait d'où il venait, ni à quelle tribu il appartenait. On ne nous le dit même pas, était-il dans la tribu de Juda, de Simeon, de Manassé, d'Issacar, de Dan, de Saïm. Rien n'est dit. On mentionne seulement Élie le Tishbite. C'est tout. Et on le décrit directement dans le ministère, pas le lieu de sa naissance, pas sa jeunesse. Mais il est le premier témoin d'Apocalypse 11. Quand nous lisons là-bas la description des ministères, successivement, on décrit d'abord le ministère d'Élie, ensuite on décrit celui de Moïse. Mais mes chers amis, ce que nous disons au sujet d'Élie, du contour terrestre de sa vie sur terre, n'est pas superposable à ce que nous pouvons dire au sujet d'Élie et de Moïse. Pour Moïse, même sa généalogie est traçable. L'on prend d'abord ici, dans Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Voilà ce qui s'est passé à la naissance. Un enfant qui était beau. Et dans Actes chapitre 7, il est dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Donc cette maman, quand elle a constaté que l'enfant était beau, au fait c'était par une vision d'aigle. Jochebed était une lue du Seigneur. Elle enfante un enfant, regarde, il est beau. En fait, ce n'était pas une opinion d'homme ou de femme. Le témoignage qu'elle a rendu à la naissance de Moïse était Dieu parlant par la bouche de Jochebed. Et la beauté de Moïse n'était pas celle d'apparence. Mais la beauté de Moïse était celle de caractère. Et sa mère qui était une aigle a pensé la vie de son bébé. Il a vu un homme de caractère. Et il a dit par inspiration divine que mon bébé est beau. Et à cause de sa beauté, non pas d'apparence, non pas de figure, mais la beauté de caractère. À cause de sa beauté, il a choisi de cacher cet enfant-là pendant 3 mois, sans d'ailleurs lui donner de nom. Il n'avait pas d'identité. Vous pouvez voir un enfant qui naît drôlement comme ça et qui ne porte aucune identité car sa mère l'a caché pendant tout un trimestre, 3 mois de vie. Mais le suspense devait la fatiguer à un moment, elle devait changer de formule. Voyant que 3 mois se prolongent, toujours rien ne change, les conditions sont les mêmes, on va continuer à tuer tous les garçons qui naissent des Hébreux. Oh, il va le vouer au destin, à l'inconnu. Vous avez l'histoire du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous allez dans le soleil, on a mis ça dans la zone, et à mon île, il y a un bon côté. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenait le long du fleuve. Il aperçut la caisse au milieu des roseaux et il envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et la nuit pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Au lieu de le faire tuer, non, le cri de son bébé, la force de caractère agissant déjà dans le petit berceau. La manière dont un bébé, par laquelle un bébé peut obtenir quelque chose, c'est par des cris et des pleurs. Il n'était pas là un enfant amorce, excessivement timide et poltron, enfermé dans la caisse et qui aurait aimé un profond sommeil. Vous avez des bébés de ce genre-là. Il peut vous dormir pendant 14 heures d'affilée. Il ne peut que dormir et dormir. Oh là là, mais Moïse, il n'était pas comme ça. Il a senti qu'il était dans des conditions inhabituelles. On le met dans la caisse, il commence à pleurer. Mais quand sa mère l'avait caché, il était calme. Ce bébé type de Christ avait du caractère. Pendant les 3 mois, on ne signale aucun pleur, ni rien. Il savait qu'il était en sécurité auprès de sa mère. Sa mère veillait sur lui et avait accès. Mais dès que la maman l'a mis dans une corbeille, imbibée de bitume, jeté sur le fleuve Nil. Oh, elle, il s'est senti en insécurité aussitôt. Quand c'était fermé, l'enfant commence à réagir. Protestant contre la justice. Car il avait droit à l'amour d'une mère. Il avait droit à la vigueur d'un père. Son père devait le porter dans ses bras vigoureux. Et sa mère devait le bercer. Mais les deux l'ont abandonné. Et Moïse, le bébé qui était beau de caractère, a commencé à protester contre la justice. La beauté de Moïse était celle de caractère. Ce n'était pas un aspect d'apparence. Et il était le type de Christ. Il était né avec du caractère. Et ce sont ces cris et ces pleurs là qui ont frappé le cœur de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, à partir de la physionomie de Moïse, a reconnu que c'est un enfant né des Hébreux, un garçon de circois. Elle connaissait la loi en vigueur à ce moment-là. Que tout garçon né des Hébreux doit être zigouillé. On doit décapiter sa tête. On devait le tuer immédiatement. Mais regardez comment le caractère de Moïse affronte des personnes inflexibles. La fille du Pharaon, mais c'est une princesse. Qu'est-ce qu'un Hébreu peut lui dire et qu'elle devait écouter? Quelle proposition un Hébreu pouvait-il faire à la fille de Pharaon et que celle-ci s'exécute? Les esclaves n'avaient que des obligations, pas des droits. Ils n'avaient que des choses à faire, mais pas des choses à recevoir. Et la loi était là, on devait le tuer. Mais les pleurs de cet enfant, oh alléluia, les pleurs de ce bébé ont paralysé toute violence, toute méchanceté de la fille de Pharaon. Sur la terre, il y a des naissances et des naissances. Hein? Tous les bébés ne sont pas pareils. Hein? Il y en a qui ont un destin particulier. Et sur lesquels Dieu veille dès le ventre de leur mère. Auxquels rien de pire ne peut se produire. Parce que Dieu ne voudra pas. Il a prévu d'en faire ses instruments. Et il les gardera de toute mort injuste. Qui dit amen à la vérité? Moïse était l'un d'eux. Jésus-Christ était l'un d'eux. Quand on a voulu tuer, l'ange est descendu spécialement pour donner les directives à Joseph. Prends le pain, parce que le roi Hérode cherchera à les faire mourir. Avant que la catastrophe se produise, le bébé Jésus était caché en Égypte. Et le Seigneur a instruit Joseph de rester là-bas jusqu'à ce qu'il soit marqué par lui. Il y a naissance et naissance. Tous les bébés ne sont pas pareils. Auprès de Dieu, il y a des rangs dans lesquels Dieu situe ses créatures. Contente-toi de ce que Dieu fait de toi. Si tu peux arriver à réparer ta position, sois zélé pour Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Et aussi pour fièrement cette position-là, jusqu'à la fin de ton voyage, car après cela, Dieu prendra la relève. Il s'occupera lui-même de ton reste. De ta suite dans l'au-delà. Qu'il soit ton conducteur depuis la terre jusque dans l'au-delà. Il a été le conducteur pour Moïse. Regardez comment il conduit les choses. Quand sa mère a commis l'injustice, un acte de lâcheté, car une mère ne peut pas abandonner son bébé, le maman Jochebed a abandonné le bébé, Moïse a crié contre la justice. Il était fait pour combattre la justice. Il était venu au monde pour abattre la justice. Alors, même la fille de Pharaon s'est laissée entendre. Elle a eu pitié. Son port intérieur a été touché. Et alors, il a pris le bébé pour s'occuper de lui. Écoutez la suite. Alors, verset 7 à 10. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Voilà. La sœur de l'enfant. Maman a lâché le bébé. Mais sa sœur n'a pas pu supporter. Elle a fait la surveillante du bébé. Le village. La caisse flottait sur le fleuve et elle avançait. Elle surveille toutes les étapes de mouvement. Et quand les autres ont récupéré le bébé, elle se s'approche comme une curieuse. Et pourtant, c'était la sœur du bébé. Je viens maintenant proposer. Si j'allais chercher parmi les Hébreux, parce que vous dites que c'est un bébé des Hébreux, je peux aller vous chercher une nourrice. Dieu contrôle les événements de notre vie. Il est celui qui a contrôlé les pas de ta vie jusqu'à ce que tu sois ici. Il n'est pas là par hasard, non. Il y a un Dieu qui contrôle nos vies. Et toutes choses concourent à notre bien. Il a promis de faire concourir toutes choses à notre bien. Il le fait si bien. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Les cris de Moïse. Ce bébé qui avait du caractère. Oh mes chers amis. Il ne devait pas être allaité par un saint étranger. Par un saint des Égyptiens. Des incirconcis. Ce serait une autre justice. Mais regardez ce cri. Regardez son caractère. Fléchir le caractère inflexible. La fille des pharaons a accepté la proposition venant d'une fille des Hébreux. Des esclaves qui n'avaient rien à dire avec vous. Mais en voici une qui arrive à capter le cœur de la princesse. Quand Dieu est tant fait que vous, rien ne peut vous résister. Quand Dieu conduit l'affaire, tout marchera bien. Si le Seigneur agrée la conduite d'un homme, dit la Bible, Amen. Il lui fera Amen. Trouver même la faveur de ses ennemis. Mais craignez aucun ennemi. Dieu les balancera en votre faveur. Dieu changera leur langage en votre faveur. Ne les craignez pas, même pas dans vos rêves. Vous avez un Dieu tout puissant et très haut. Il contrôle tout l'univers. Il domine tous les êtres. Démoniaque et humain. Animaux et oiseaux. à ta place et pour toi. Jamais le silence devant lui et son secours surgira à ton insu. Tu garderas confiance devant lui par confiance et par la foi. Mais le secours qui s'enclenchera en ta faveur surgira à ton insu. Il n'en constatera que les résultats. Il y aura des choses inexplicables. Mais Dieu sait bien par quel fil il s'est passé. Car son bonheur est son plan. C'est sa préoccupation. Et tout ce qui aime le Seigneur, alléluia. Béni soit le Seigneur, louange à son. De vrai bien-aimé, qui la grâce a conduit. Amen. Choisissez, conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est la meilleure conduite que je connaisse. Je te croyais par la parole. C'est la meilleure conduite que je connaisse. Oui, je vous tout ce que Dieu vous dit. C'est la meilleure conduite que je connaisse. Comme Marie a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Cette princesse a dit, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Quelle nourrice? Quelle nourrice? Mais la nourrice? Mais la nourrice, la plus naturelle qui soit. Dieu est un metteur en scène. Et ces scènes sont merveilleuses, mieux que nos théâtres africains. Arrêtez de vous distraire de haut là-bas. Vous avez des vraies scènes qui inspirent. Quelle situation? Quelle est la nourrice qu'on est allé chercher? Mais c'est la mère même de la famille. Rappelez sur son devoir. Par la chair de l'enfant. Elle avait commis un acte de lâcheté. Car une mère qui allait ne peut pas oublier son bébé. Elle voudrait même donner sa vie ça, à la mort pour le bien de son bébé. Mais elle a lâché le bébé dans le fleuve. Mais bien aimé, Dieu l'a rappelé sur le devoir. Ça, c'est le témoignage de la grâce de Dieu. Même quand toi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, il t'arriverait de rétrograder un peu. La grâce agira à un moment. Elle te ramènera sur le bon rail. Elle te ramènera dans la bergerie. Elle te ramènera humblement, repentant. Comment des frères Vanham dans le sermon message de grâce? La grâce de Dieu à présent, elle cherche les rétrogrades répandants. Des rétrogrades, mais des rétrogrades qui se répandent. Passera en Turquie un solant indifférent. Par les arrogants, les orgueils qui sont maudits. Mais elle cherche les rétrogrades. Qui se reconnaissent rétrogrades. Impitoyables. Misérable. Et qui implore sa grâce. Dieu les ramènera au poste du devoir. Il est capable de les ramener. Comme qui est sur toi pour juger le serviteur d'aujourd'hui. C'est le pambou qui se relève. Quoi, là, ne te regarde pas. Par l'égard de son maître. Et son maître a le pouvoir. Il l'a permis. Il est celui qui peut nous préserver de tout suite. Il est le même pour nous élever de tout suite. Dis qu'il le fera. Oh, je t'entends pas. Il le fera, c'est la promesse de grâce. Et cette grâce sera grâce pour celui qui l'accepte comme ça. Tout ton futur entre sa main. Tout ton sort entre sa main. Que sa volonté soit faite. Et que sa grâce triomphe de jugement. Laisse que sa miséricorde triomphe de jugement. Alléluia. Du caractère, il nous le faut. Le caractère, il nous le faut. Ah, il dit ceci. En sortant. Oh, mes chers amis. Le vent a tourné la Bible ici. Nous sommes allés ailleurs. Alors, verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Ça là, on va pas vers les ambassades. Alors, honoré, rémunéré. Son propre bébé. Mais elle en recevra un salaire. C'est devenu un travail rémunéré. Par qui? Par la princesse, la fille du Pharaon. Lorsque Dieu agrée la conduite d'un homme, il pourra trouver même la faveur de ses ennemis. Voilà le maître d'esclavage en train de payer une esclave pour un bébé. Il est leur propre bébé. Chose que cet homme de Lévi ne pouvait jamais faire. Amram, le père de Moïse, ne pouvait jamais payer un salaire à sa femme parce qu'elle allait être le bébé. Parce que c'est considéré par tous les hommes, tous les maris, comme une façon naturelle. Faut-il un salaire pour ça? On trouve dans les couples des fois. La mérite de Yobana, la beauté de Yobana, on fout là combien? On fout là combien? Ce genre de discussion finit là. Dieu lui-même a payé. Mais par le canal d'une princesse. Il est l'envoyé. Je vous dis que sur le chemin du Seigneur, il y a beaucoup de bienfaits. Dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Ne te laisse pas séduire par les offres du monde. Car les propositions du diable sont trompeuses. Ce que Dieu donne est merveilleux. Oh, il n'y a pas de séduction dedans. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant. Quelle situation? Il va ramener Moïse dans leur maison. Il va dormir encore dans les bras de son père et de sa mère. Et de surcroît, sa mère recevrait un gros salaire venant de la maison royale. Pour le travail d'allaitement qui était son devoir naturel. Oh Dieu est insondable, mes amis. J'espère que tu arrives à voir la grandeur de lui ici. Juste couper aller sa puissance. À quel point il peut tenir les êtres sous sa domination. Et il gère juste le secret. Si la fille de Pharaon découvrait seulement que cette maman-là, c'est la véritable maman. Oh! Ce serait même la prison. Mais Dieu a tenu ce secret. Ce qui moi n'en a fallu, aya koye bere simete, zokande moutou a fait ce qui moi n'a pas beaucoup de l'aïe, wana zokande, maman ya moi n'a pas, wana koutou, moi si an bolo koupé. Je vous ai souvent prêché que le secret est un pouvoir. Amen. Ne soyez jamais surprenant. Ayez du caractère pour gérer les secrets. Car le secret est un grand pouvoir. En voici un ici.